Je vais vous infliger mon laïus avant que les gens sérieux parlent. Donc, le titre de la séance précédente incluait le mot « rebelle ». Force est de constater, à l'occasion de cette deuxième séance, que nous ne nous éloignons pas tant que ça du thème, puisque l'intitulé en est « L'université et l'école sont-elles des lieux de la critique ?» En effet, qu'est-ce qui caractérise le plus spontanément la posture de rebelle, sinon l'exercice sans concession de l'esprit critique ? Et notamment envers, contre et pour une communauté de langage et de pratique. Mais là comme ailleurs, il s'agit de se méfier des contrefaçons ou tout simplement des significations des termes que l'on emploie, qui sont délimités par les usages auxquels on veut bien les voir servir. Ainsi, le vaste domaine de l'enseignement qui occupe les esprits et la vie de nos concitoyens durant leur prime enfance jusqu'à l'orée de l'âge adulte et même au-delà, pour ceux qui font des études supérieures, ne glorifie-t-il pas le terme d'esprit critique dont il fait sa ressource et son horizon ? On peut y voir une conséquence du pluralisme des perspectives, un principe qui s'oppose au conformisme et en l'absence duquel nos sociétés ne pourraient pas se revendiquer de la démocratie. Or, désigne-t-on pour autant un citoyen qui exerce sa liberté de jugement en intervenant sur la scène publique de rebelle ? L'usage d'un tel qualificatif à cette occasion ne signalerait-il pas que quelque chose ne tourne plus rond au sein de la démocratie ? Que ses membres auraient renoncé ou seraient empêchés d'exercer ce sens critique qui agit comme un antidote, évitant qu'une société se fige dans ses structures de pouvoir, dans ses rapports de domination, dans sa manière même de s'envisager dans la durée. L'activité scientifique libre et désintéressée participe justement de ce renouvellement permanent des savoirs et des croyances sans lequel les identités se réifient, tandis que l'obscurantisme et l'autoritarisme étendent progressivement leur influence. En compagnie de nos invités, nous allons nous intéresser à cette question que l'on pourrait dire être celle de la démocratie vivante et de ses ennemis intérieurs. Je veux citer tout d'abord Laurence Decocq, pas parmi les amis intérieurs, monsieur, professeur à quoi que, professeur agrégé d'histoire. Elle est l'une des chevilles ouvrières du site Aggiornamento, engagée dans une réflexion sur le programme d'enseignement en histoire, et que nous avons eu le plaisir de recevoir déjà à deux reprises dans ce séminaire au fil des ans. Mentionnons tout de suite qu'elle est pour l'essentiel à l'origine de la constitution du plateau d'invités de ce soir. Ce dont je la remercie vivement. Le compte-rendu de l'ouvrage dont il va être question, publié justement sur le site Aggiornamento, alors c'est aggiornamento.hypothèse.org/2235 de son petit nom, a fourni le thème de notre séance. Cet ouvrage s'intitule « Faut-il brûler les humanités et les sciences humaines et sociales ?» et est paru en 2013. Il compte de nombreux contributeurs. Les éditeurs en sont Marc Conesa, ici présent, Pierre-Yves Lacour, Frédéric Rousseau également et Jean-François Thomas. Frédéric Rousseau, qui est à ma gauche, professeur d'histoire contemporaine, membre du Centre de recherche interdisciplinaire en SHS, qui nous donne le bel acronyme de CRISE au pluriel, Université Paul Valéry, et directeur de la Maison des sciences de l'homme de Montpellier, nous présentera cet ouvrage qui, sous de multiples facettes, présente un état de la situation des SHS dans le paysage scientifique, mais aussi politique national, en relation avec les influences des politiques européennes et stratégies internationales qui ne manquent pas d'opérer dans cet espace convoité. Nous nous tournerons ensuite vers Marc Conesa, maître de conférences en histoire moderne, laboratoire CRISE et également de Montpellier, qui s'intéressera directement à la question des effets des décisions du politique en matière budgétaire, notamment sur le fonctionnement des SHS, dans un contexte de précarisation progressive et généralisée. Laurence Decocq interviendra sur cette notion faussement évidente d'esprit critique en examinant la place qui lui est faite dans les pratiques pédagogiques de l'enseignement primaire et secondaire. Il reviendra ensuite à Julien Théry, professeur d'histoire médiévale à l'Université Paul Valéry de Montpellier, toujours, mais là, on change de laboratoire, c'est le laboratoire SEM, le Centre d'études médiévales de Montpellier. La tâche d'évoquer la question de l'esprit critique telle qu'elle peut être célébrée ou en tout cas présentée dans l'enseignement supérieur sous des habits officiels. La polémique née autour des rencontres historiennes de Blois cette année consacrée au thème des rebelles servira de cas d'école à cet examen. L'abord de cette question a ému certaines personnes qui ont voulu y voir une caution donnée par le séminaire PDS à une attaque ad hominem tournée contre l'un des membres de l'EHESS, Marcel Gaucher, dont il convient de rappeler qu'il a apporté son soutien sans faille au mouvement universitaire de 2009. Certains d'entre eux ont été invités à prendre part à cette séance, Mais est-ce que leur religion était déjà faite? Je ne sais, mais en tout état de cause, ils ont décliné l'offre généreuse d'un débat ouvert. Aussi, à l'encontre de cet a priori, précisons tout de suite que l'examen de ce sujet n'a pas pour objectif d'instruire le procès d'un absent dont les œuvres et déclarations ou une certaine lecture de celle-ci, ou encore certains travaux publiés dans la revue Le Débat qu'il dirige ont déclenché la controverse. Loin de s'en prendre à des personnes, la science de notre séminaire s'en tient strictement à son thème annoncé, la place de l'esprit critique qui est reconnue aux sciences humaines et sociales dans la société dans laquelle nous vivons. À cet égard, toute situation mérite d'être l'objet d'une enquête à partir du moment où celle-ci peut aider à la compréhension d'un phénomène. Enfin, Annie Lacroix-Ry, professeure émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 7 de Diderot, traitera d'une question relative à l'enseignement de l'histoire et à la diffusion de celle-ci auprès du grand public, à partir d'omissions troublantes constatées dans l'usage de certains travaux servant de cadre à l'exposition Collaboration 1940-1945 qui se tient actuellement à Paris aux Archives nationales et jusqu'au mois de mars 2015. Et qui passerait sous silence certains aspects peu reluisants du rôle du patronat français au cours de cette période, ce qui peut être fâcheux dans le cadre d'une modalité de diffusion de la connaissance historique, une exposition expressément tournée vers le grand public. Au-delà du système d'enseignement, se profile bien évidemment la question de la mission que l'enseignement a à accomplir vis-à-vis de la société, en particulier cette tâche qui lui incombe en partie d'assurer la formation non pas simplement de travailleurs ajustés aux besoins de l'économie, mais également de citoyens, sujets autonomes et responsables, censés pouvoir prendre part aux besoins en en créant l'opportunité, au débat public et à générer des pratiques politiques originales, pourquoi pas, en relation avec l'intérêt général ou les biens communs, dans les occasions variées de la vie sociale où ces questions se posent concrètement sous les auspices de la pluralité des perspectives. Dans cet ordre d'idées, le système d'enseignement, à quelque niveau que ce soit, est supposé contribuer activement à la formation d'êtres humains aptes à tenir leur rôle de détenteur d'une part de la souveraineté nationale, au moins les systèmes démocratiques et républicains, des formations sociales où nous nous trouvons, et d'alimenter la quête d'émancipation à l'égard des tentations de l'hégémonie toujours présente en leur sein, une pensée imposée d'en haut ou tout simplement confite dans sa routine. Le système d'enseignement démocratique a ainsi pour principe de veiller à son propre dépassement à travers la formation progressive et continue de citoyens, d'abord, pourrait-on dire, dépendants de ce dispositif d'émancipation déjà là, puis appelés à devenir aptes à questionner par eux-mêmes les fondements sur lesquels repose l'ordre établi, la société dans laquelle ils vivent et qu'ils partagent avec d'autres, dont les intérêts, les inclinations, valeurs, croyances, savoirs portant sur le vivre ensemble ne sont pas forcément les mêmes, mais parfois antagonistes. Il a été précédemment question de contrefaçon en relation à ce que l'on peut entendre derrière l'expression « esprit critique ». Le terme est un peu exagéré, sans doute, s'il s'agit de souligner qu'au moins deux significations, deux acceptions différentes sont véhiculées par ce concept. L'une que l'on pourrait dire au fondement de l'esprit et de la pratique réformiste, comme les partis et les syndicats du même nom. Il s'agit pour ces derniers de veiller à ce qu'ils considèrent être l'amélioration de l'existence sans toucher au cadre qui lui a donné naissance. Idéalement, cette démarche se manifeste à partir du moment où apparaît l'obsolescence présumée d'une pratique sociale qu'il conviendrait de réformer pour qu'elle s'adapte à la nouvelle donne avec laquelle elle serait entrée en conflit. Et puis, il y a une acception plus radicale par laquelle l'esprit critique désigne les réflexions et pratiques visant à la remise en cause du cadre même dans lequel s'inscrit la réalité sociale telle que nous la connaissons et pratiquons, entretenant avec elle la relation qu'a M. Jourdain envers la prose avant qu'on lui en enseigne le terme, métaphore de l'usage prosaïque de la réalité sociale en quelque sorte. On retrouve ici ce que Hannah Arendt dit de l'action, de son caractère révolutionnaire dont rien n'arrête le pouvoir de transformation une fois lancé dans le monde. Une tension forte entre ces deux manières de donner corps dans le monde social, même notion, avec des niveaux d'exigence différents, ne peut alors manquer de se faire jour. Comme on le constate par ces propos liminaires, on peut signifier des choses relativement différentes en usant apparemment du même terme. Alors, aujourd'hui, nous sommes réunis pour aborder cette question paradoxale que nous avons choisi de placer sous l'égide d'un ouvrage collectif, s'interrogeant précisément sur le sort préoccupant que connaîtraient les sciences critiques dans nos sociétés, c'est-à-dire les sciences humaines et sociales, et dont la place qui leur est accordée dans le système d'enseignement s'en trouverait menacé, sous couvert notamment de la faible valeur professionnalisante de leur cursus et du manque de débouchés qui en résulterait, ce qui autoriserait de questionner la place effectivement reconnue à l'émancipation, à la formation des citoyens dispensée par le système d'enseignement. Alors donc, si sur le plan de l'organisation de la séance, si cela convient, nos invités disposeront d'environ 20 minutes de temps de parole chacun, un peu plus, s'il le faut. À l'issue de chaque exposé, nous prendrons deux ou trois questions brèves. Alors peut-être un peu plus après l'exposé de Frédéric Rousseau, le premier intervenant qui devra nous quitter plus tôt. À la fin des exposés, nous pourrons ouvrir une discussion plus générale. Et sans plus attendre, je cède la parole à Frédéric Rousseau.